j'ai un fruit, j'ai trop de poils, je fais du bruit lorsque j'avale. J'ai le pompelé et des petits yeux, des grains de beauté, je suis granuleux, j'ai les doigts tordus, des problèmes de vue, je suis mal foutu, j'ai un gros cul. Ouais, des complexes, c'est très dur, mais je me vois dans la glace, je me censure. On dirait une caricature, mais n'y vois plus l'aide, je vous assure. Quand je me regarde, c'est bien réflexe, je pense que ma gueule est coulée si pèse. Tout ça me rend vraiment perplexe, j'aime vraiment pas mes nombreux complexes. J'attire les mouches sur les bras, je pue de la bouche, j'ai pas le choix. J'ai des boutons, le sein qui vide, je sens le dragon, j'ai le regard vide. Je suis petit, j'ai plein de gaz et un petit zizi, j'ai l'air d'un naze. Je suis tout mou, bête comme un chou et pire que tout, j'ai ce qui ouais, des complexes, c'est très dur, dès que je me vois dans la glace, je me censure. On dirait une caricature, mais n'y vois plus l'aide, je vous assure. Quand je me regarde, c'est bien réflexe, je pense que ma gueule a coulé si pète. Tout ça me rend vraiment perplexe, j'aime vraiment pas mes nombreux complexes. Jazz. Oh yeah, vas-y Dédé, appuie sur le champignon. M'adresser à tous mes complexes, qu'ils soient sur mon corps, dans ma tête ou dans mon lit de maths. Je vais vous faire payer pour tout ce que vous avez enduré. Je vais aller vivre dans un pays où il y a que des gros, que des moches, que des déformés, et où je serai le plus beau. Et à ce moment-là, vous n'aurez plus aucun pouvoir sur moi. Vous entendez? Plus aucun pouvoir. Allez bye, on se retrouve à Mocheland les mecs. Allez, salut. Quand je me regarde, c'est bien réflexe. Je pense que ma gueule est coulée si faite. Tout ça me rend vraiment perplexe. J'aime vraiment pas mes nombreux complexes. Info. Mocheland, pays de 600 millions d'habitants, connu pour son taux élevé de moches dans sa population, accueille avec plaisir toute personne se sentant rejetée par la société à cause de son physique. La chirurgie plastique s'y pratique beaucoup et est remboursée par l'État. Mais attention, là-bas, on ne met pas de Botox. On met du Mochetox.